Alors, bienvenue dans la suite de notre série intitulée Rénovation, un été pour se restaurer. Oui, l'été, nous le disons depuis plusieurs dimanches et nous le constatons, je le sentais encore en me promenant dans les rues du quartier tout à l'heure, ça sent la peinture, ça sent la rénovation. Pendant cet été, on rénove, on enlève du vieux pour mettre du neuf. Et dans cette série de prédications, nous nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce que nous allons investir et comment nous allons investir pour notre rénovation intérieure? Puisque l'été est un temps propice à cela. Souvenez-vous, petit rappel des épisodes précédents, nous avions évoqué d'abord notre corps comme le premier lieu dont je suis responsable, comme ma première identité par laquelle je prends soin de moi-même. On a ensuite parlé du plaisir, le plaisir qui est offert comme un cadeau de l'objectif d'été que je me suis fixé. On devait faire ce petit travail, se fixer un objectif de l'été. Et on avait médité l'évangile du Samaritain en voyage. Et puis il y a deux semaines, c'était l'hospitalité avec Marthe et Marie et Abraham, l'hospitalité qui nous donnait l'occasion de recevoir de celui que nous accueillons chez nous. Enfin, Père Martin, dimanche dernier, a médité sur la prière d'intercession comme un lieu de ressourcement, un lieu par lequel je me laisse toucher par mes frères. Alors, si vous avez manqué l'un ou l'autre épisode, je vous invite à aller sur la page internet de la paroisse, saintthomasdaquin.qc.ca, vous rattraperez le temps perdu. Aujourd'hui, la parole nous offre un nouveau aspect, un nouvel enseignement sur le repos. Et nous venons de l'entendre de la bouche même du fou de la parabole qui déclare « Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Repose-toi. » Pourtant ce fou, c'est le même dont parle l'Ecclésiaste dans la première lecture, qui même la nuit ne trouve pas de repos pour son cœur. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos, nous dit l'Ecclésiaste. Ces deux lectures nous interpellent. Comment se fait-il que parfois, alors même que nous réunissons apparemment toutes les conditions pour nous reposer, eh bien finalement notre cœur ne trouve pas le repos? Peut-être parce que dans notre manière de demander le repos, nous sommes de ces hommes qui en veulent toujours plus, de ceux qui en veulent toujours plus. Celui qui peine et qui calcule et qui se fatigue sous le soleil et dont les occupations sont autant de tourments, c'est ce qu'on entendait dans le livre de l'Ecclésiaste. Ou bien celui qui vit de ce qui n'appartient qu'à la terre. Puis saint Paul décline débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder. Ou encore celui que nous venons d'entendre dans la parabole que Jésus nous propose, qui accumule et amasse pour lui-même. Qu'est-ce que ces hommes ont en commun qui les amène finalement à ne pas trouver le repos? Eh bien, c'est un stade du développement de la personne qui n'a peut-être pas été tout à fait vécu comme il fallait. Et je vais nous inviter à revenir à cette étape de la vie où nous étions tout petits, entre 2 et 3 ans. J'entends des petits-enfants, là il y a peut-être des enfants qui ont entre 2 et 3 ans dans l'assemblée. Entre 2 et 3 ans, on fait un apprentissage très important qu'on va être invité à vivre toute sa vie d'ailleurs. C'est la propreté, c'est l'âge auquel on apprend à être propre. Et c'est un apprentissage super important pour l'enfant et pour les parents qui sont bien contents quand enfin ça se réalise. Alors qu'est-ce qui se passe à cet âge-là? L'enfant apprend à gérer 2 modes d'organes, retenir et le mode contradictoire, laisser aller, retenir et laisser aller. On voit de quoi on parle, il faut se retenir au bon moment et laisser aller au bon moment. Et cette manière d'apprentissage que l'enfant apprend à travers la gestion de ses besoins, il va le vivre à travers tout le reste Il va apprendre à retenir certains objets ou à les disperser, à retenir sa maman ou la laisser aller, à retenir le temps ou à le laisser aller. En fait, ce mode primitif que l'enfant apprend, il va le décliner dans tous les aspects de sa vie, jusqu'à nous aujourd'hui. Nous continuons à vivre de ce que nous avions déjà appris à 2 et 3 ans. On n'a pas arrêté d'apprendre, on continue sans cesse. Mais quel est le lien de cette histoire-là avec l'écriture d'aujourd'hui ? Eh bien, vous l'avez compris, il s'agit d'utiliser ce mode, retenir et laisser aller, aussi dans l'usage de nos biens, de ce que nous possédons. Et parmi les modèles que l'écriture nous propose aujourd'hui, il y en a un qui est actif. Il est même activiste, il ne s'arrête jamais. C'est l'homme de l'Ecclésiaste. Il contrôle le temps, il contrôle ses activités, il ne laisse rien aller. Il retient, il contrôle tout. Mais nous dit l'Ecclésiaste, c'est du vent, vanité. Ou l'autre, dans la parabole, il a une maladie qu'on appelle en grec la pléonexia. Ça veut dire qu'il en veut toujours plus. Il en veut toujours plus. C'est une maladie très répandue aujourd'hui. C'est une maladie de notre temps qui croit qu'il n'y a plus de limites. On se croit sans limite et on en veut encore et encore et encore. Alors il fait grandir et agrandir son grenier. Ça m'a rappelé un personnage célèbre qu'on a tous rencontré dans la grande littérature que nous lisions dans notre enfance, peut-être que certains lisent encore. Je pense que cet homme a inspiré Walt Disney lorsqu'il a créé un personnage qui faisait exactement ça. Il amassait dans son grenier. Vous voyez de qui je veux parler ? Picsou. Picsou, il fait ça, hein ? il amasse, il retient et il retient. Et quand on retient tout le temps, en termes médicaux, ça porte un nom. C'est la constipation. Picsou, il est constipé de l'argent. Il n'arrive pas à lâcher. Il tient et il retient et il retient. Et quand on retient, on a mal au ventre. Alors effectivement, ça fait partie de notre être biologique que de savoir lâcher prise. Et la philosophie grecque y avait déjà réfléchi. Aristote avait déjà constaté et observé que la croissance est permise par la nutrition. Lorsque je mange, je pousse, je crois, je grandis. Mais c'est la même chose pour une plante. La nutrition de la plante la fait pousser. Et à un moment donné, la croissance s'arrête. C'est valable pour nous aussi d'ailleurs. Et à quel moment elle s'arrête ? Lorsqu'il y a atteinte de la maturité. La maturité, c'est le moment où la croissance est stoppée. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la maturité ? Quand le blé est mûr, il est prêt à donner la vie, il est prêt à engendrer. La maturité, c'est cet état où on passe de la croissance à l'engendrement. Nous donnons naissance à autre chose. Alors la croissance, elle est donc faite pour une certaine maturité qui donne et qui débouche sur la vie, sur la fécondité. On retrouve ça dans toute la nature. On retient, on grandit, on croit et on redonne. Ça fait partie de notre croissance, notre développement. Mais il faut donc ces deux mouvements et il faut les articuler au bon moment et à bon escient, sinon c'est l'accident. Et l'homme de la parabole, il n'a pas su lâcher. Il n'a fait que retenir. C'est un terme qu'on utilise en économie, thésauriser. D'ailleurs, c'est le mot grec qui est utilisé dans l'évangile, thésaurizo. Ça veut dire amasser pour soi, de manière à constituer un trésor. C'est amasser de l'argent pour le garder sans le faire circuler, ni l'investir. Autrement dit, c'est de l'argent stérile. C'est de l'argent qui porte pas de fruits. Il est enfermé dans le coffre de Picsou et il y restera. Eh bien, lorsqu'on est à ce type de relation à l'argent, eh bien, se pose la question et l'interpellation de Jésus dans cette parabole. Tu es fou. Tu es fou de faire ça. Ton argent, qui l'aura ? La question que pose Jésus, c'est la question de la fécondité. À qui cela va-t-il aller ? C'est stupide. Ça ne fait pas partie de ton être. Et donc, ça ne te rend pas heureux. Tu ne trouveras pas la paix. Ton cœur ne sera pas dans le repos. Il sera sans repos. Alors, quel apprentissage pouvons-nous faire, chers amis, de ces paroles qui nous sont offertes ce soir? Bien, on pourrait apprendre à laisser aller, hein, à laisser aller au bon moment, surtout si on est un peu tenté de trop retenir. Car on a tous cette tendance de retenir, hein, c'est normal, on l'a, ce mode d'organe, il faut bien le faire, sinon on se lâche tout le temps, c'est pas bon. On retient l'argent, on a du mal à donner 5 piastres à la quête, c'est difficile. On retient son temps, je ne sais pas me laisser déranger, je contrôle mon agenda. On retient ses projets. Je ne travaille pas avec les autres parce que ça marche tellement mieux quand je travaille tout seul. On retient les personnes. C'est mon chum. C'est mon mari. Puis on est jaloux comme un pou dès que mon mari va croiser le serait-ce que le regard d'une autre femme. Hein, ça arrive, ça, non? Dans les couples. Eh oui, on a une sorte de relations exclusives qui sont incapables de lâcher un petit peu de lousse, là. Hein. On est un peu... Je retiens mes biens, je suis incapable de les prêter. On va me les abîmer, c'est à moi. Je retiens les événements. Ça, c'est quand on a du mal à pardonner. Je ne parviens pas à laisser aller telle affaire. Je suis rancunier, je continue à y penser tout le temps. Là, je suis dans le mode retenir. Hein. Je retiens. Ou on retient, on veut retenir sa réputation, on veut sauver l'image, on veut contrôler ce que les autres pensent de nous, de ce qu'on reflète chez eux. Bon, on retient. Et on l'a dit, hein, quand on est constipé, on a mal au ventre. Alors on n'est pas heureux, ça fait mal. Eh bien, c'est ce qui nous arrive lorsque on ne sait pas lâcher et laisser aller au bon moment. On ne peut pas être dans le repos. On est constipé de l'argent, on est constipé du temps, des biens, de son image, de ses projets. Alors la parole de Dieu nous invite et elle nous dit « Prenez le laxatif adapté ». Pour laisser aller, ça ira nettement mieux après. Ben oui, parce que c'est en laissant aller qu'on va réellement porter du fruit. C'est en laissant aller que le cycle naturel de la vie en nous va se poursuivre. Et alors on va aller bien. Pourquoi ? Parce qu'on va voir notre fécondité. Je voudrais vous donner un petit exemple qui est une action de grâce. Au cours de l'été dernier, il y a 3 garçons de la paroisse qui sont passés par la paroisse, qui ont décidé de faire une année de discernement en Europe pour savoir si Dieu les appelait à devenir prêtres. Bien, un an après, j'espère que vous aurez l'occasion de les revoir dimanche prochain ou le dimanche d'après, eh bien, ils ont décidé de rentrer au séminaire. Eh bien, chers amis, c'est notre fécondité à tous, parce que c'est la fécondité de notre paroisse. C'est la fécondité de ceux qui ont offert du temps, du bénévolat. C'est la fécondité de ceux qui ont offert de l'argent. Vous avez offert 21 000 dollars et des poussières pour que ces jeunes gars puissent vivre leur année. C'est la générosité, ça. Vous l'avez offert, vous avez laissé aller. Et c'est bon, frères et sœurs, de contempler cette fécondité. Ça nous fait du bien. De même que des grands-parents sont heureux d'être entourés de leurs petits-enfants ou de les voir, c'est leur fécondité. Bien, nous, comme paroisse, nous avons aussi une fécondité. Je voulais vous partager simplement ce fait, cette situation. Kevin Murray, Étienne Couture, et puis notre Français Clément, que vous ne reverrez pas parce que lui, il n'est pas revenu au Québec. Mais voilà, c'est un fruit. Ce n'est pas que nous, c'est leur famille, c'est les gens qu'ils ont rencontrés. Mais nous aussi, on y a contribué. Bien, ça nous réjouit, parce qu'en laissant aller, on porte du fruit. Alors, frères et sœurs, retrouvons ce repos, en apprenant à laisser aller ce qui nous est difficile. C'est de l'entraînement, hein. Quand on sent dans notre vie qu'on retient trop, c'est précisément sûrement que sur ce point-là, on n'a pas tous les mêmes points, hein. Chacun a les siens. Mais sur ce point-là, j'ai peut-être à travailler un certain lâcher-prise. Demandons cette grâce les uns pour les autres pour que nous portions tous du fruit et que nous trouvions le repos.